Puisque je suis de votre pays, je suis de Rambouillet. Oh bah, s'il fallait embrasser tous ceux qui sont de Rambouillet. Il n'y a que 4000 habitants. Il ne s'agit pas de cela. Monsieur Fadinard, votre bourgeois se marie aujourd'hui. Vous m'avez invité à venir voir la corbeille. Alors, voyons la corbeille. Nous avons bien le temps. Mon maître est parti hier soir pour aller signer son contrat chez vos pères. Il ne revient qu'à 11h, avec toute sa noce pour aller à la mairie. La mariée est-elle jolie? Oh, je lui trouve l'air godiche. Mais elle est d'une bonne famille. C'est la fille d'un pépiniériste de Charentonneau, le père Nonancourt. Ah! Ouh, dites donc, monsieur Félix, si vous entendez dire qu'on ait besoin d'une femme de chambre, soyez gentil, pensez à moi. Vous voulez donc quitter votre maître, monsieur Beaupertuis? Ne m'en parlez pas, c'est un acariâtre premier numéro. Il est maussade, grognon, sournois et jaloux. Et sa femme donc? Certainement, je n'aime pas à dire du mal des maîtres. Ah non! Une chipie, une bagel qui vaut pas mieux qu'une autre. Parbleu! Dès que monsieur part, crac, elle part. Et où va-t-elle? Elle ne me l'a jamais dit. Jamais. Oh! Vous ne pouvez pas rester dans cette maison-là. Et puis ça me ferait tellement de plaisir de servir avec quelqu'un de Rambouillet. Oh! Mon Seine-et-Oise, Seine-et-Oise! Ne vous dérangez pas! C'est moi l'oncle Vézinet! La noce est-elle arrivée? Pas encore, aimable perruque! Que faites-vous donc? Il est sourd comme un pot, vous allez voir. Nous allons donc à la noce, joli jeune homme. Nous allons donc pincer un rigodon. Si ça ne fait pas pitié. Allez donc vous coucher. Merci, mon ami, merci. J'ai d'abord cru que le rendez-vous était à la mairie, mais j'ai appris que c'était ici. Alors, je suis venu ici. Oui, monsieur de la Palisse est mort de maladie. Non, pas à pied, en fiacre. Tenez, portez ça dans la chambre de la mariée. C'est mon cadeau de noces. Prenez garde, c'est fragile. Je vais en profiter pour aller voir la corbeille. Adieu, amour de sourd. Elle est gentille, cette petite. Eh, ça fait plaisir de rencontrer un joli minois. Par exemple, à votre âge, ça va finir, gros farceur, ça va finir. Merci. Il est très convenable, ce garçon. Dégagez le cabriolet. Voilà une aventure. Elle me coûte 20 francs, mais je ne les regrette pas. Félix. Monsieur. Figure-toi. Monsieur arrive seul et la noce de monsieur... Oui, elle est en train de s'embarquer dans 8 fiacres à Charentonneau. Ah, j'ai pris les devants pour voir si rien ne cloche dans mon lit conjugal. Les tapissiers ont-ils fini? A-t-on apporté la corbeille, les cadeaux de noces? Oui, monsieur, tout est là, dans la chambre. Très bien, très bien. Figure-toi que parti ce matin à 8h de Charentonneau... On veut se bien attendre, hein. Oh, l'oncle Vézinet. Va-t'en, va-t'en, j'ai mieux que toi. Figurez-vous que parti ce matin à 8h de Charentonneau... Bon, permettez-moi de vous féliciter. Hein, quoi? Ah, oui. Oui, c'est vrai, on s'embrasse énormément dans la famille de ma femme. Bon, parti ce matin à 8h de Charentonneau... Et la mariée? Oui, elle me suit de loin dans 8 fiacres. Parti ce matin à 8h de Charentonneau... Je viens d'apporter mon cadeau de noces. Très gentil de votre part. J'étais dans mon cabriolet, Je traversais le bois de Vincennes lorsque tout à coup je m'aperçois que j'ai laissé tomber mon fouet. Mon vœu, ces sentiments vous honorent. Quel sentiment? Ah! Ah oui, sapristi. Oui, j'oublie toujours qu'il est sourd. Et... bah ça ne fait rien. Comme le manche est en argent, j'arrête mon cheval et je descends. Je l'aperçois à 100 pas de là dans une touffe d'ortie. Je me pique les doigts. J'en suis bien aise. Merci, merci. Je retourne. Plus de cabriolet. Mon cabriolet avait disparu. Monsieur a perdu son cabriolet. Monsieur Félix, je cause avec mon oncle qui ne m'entend pas. Donc je vous prie de ne pas vous mêler à mes épanchements de famille. Merci. Je dirai plus. Les bons maris font les bonnes femmes. Hey. Sur les tutus, hop là, plat. Bon, mon cabriolet avait disparu. Alors je questionne, j'interroge. Et on me dit qu'il y en a un d'arrêté au coin du bois. J'y cours. Et là, qu'est-ce que je trouve? mon cheval en train de mâchonner une espèce de bouchon de paille orné de coquelicots. Je m'approche et aussitôt une voix de femme part de l'allée voisine et s'écrie... s'écrie... Ciel ! Mon chapeau ! Le bouchon de paille était un chapeau ! Elle l'avait suspendu à un arbre. Elle l'avait suspendu à un arbre tout en causant avec un militaire. C'est cocasse. Entre nous, je crois que c'est une gaillarde. Non, je suis de Chaillot. J'habite Chaillot. Hé, tu en plein plan. Près de la pompe à feu. C'est convenu. Bon, j'allais présenter mes excuses à cette dame et lui offrir de payer le dommage lorsque... Lorsque ce militaire s'interpose, une espèce d'Africain rageur, il commence par me traiter, moi, de petit criquet. Sapristi, la moutarde me monte au nez et ma foi, je l'appelle Benny Zoug Zoug. Ouais, il s'élance sur moi, oui, je fais un bond de côté, je me retrouve dans mon cabriolet, la secousse fait partir mon cheval. Et me voilà. Et je n'ai eu que le temps de lui jeter une pièce de 20 francs pour le chapeau. De 20 sous. Ouais, car je ne suis pas bien fixé, je verrai ça ce soir en faisant ma caisse. Et j'ai... Tiens. Voilà la monnaie de ma pièce. La paille est belle. Ah oui, mais trop chère, la botte. Il faudrait chercher longtemps avant de trouver un chapeau pareil. J'en sais quelque chose. Voyons. Monsieur Félix, je vous prie de ne pas vous mêler à mes épanchements de famille. Mais monsieur... Silence. Maroufle, comme dit l'ancien répertoire. Non, à quelle heure va-t-on à la mairie? À 11h. 11h. On dînera tard. J'ai le temps d'aller prendre un riz au lait. Vous permettrez? Eh bien, commandons, ça me fera extrêmement plaisir. Adieu, mon vœu. Adieu, mon oncle. Hein? Oh. C'est un tic de famille, hein. Voilà. Une fois marié, tu ne me pinceras pas souvent à jouer à ça. Nana. Et l'autre côté? Eh, c'est ce que je disais, l'autre côté. Adieu caresse en pot-au-feu à ta déplorable manie. Je compte me soustraire un peu en revenant de la mairie. Adieu, je reviens, je le veux, avec l'annonce réunie. Vous embrasser encore un peu avant d'aller à la mairie. Marié. Et je n'entendrai plus mon beau-père me crier à chaque instant « Mon gendre, tout est rompu !» Oh, vous êtes-vous déjà trouvé en relation avec un porc-épic? Tel est mon beau-père. J'ai fait sa connaissance dans un omnibus. Son premier mot fut un coup de pied. J'allais lui répondre un coup de poing. Quand un regard de sa fille me fit ouvrir la main. Et je passai ces 6 gros sous au conducteur. Après ce service, il ne tarda pas à m'avouer que le père était pépiniériste à Charentonneau. Voyez, voyez comme l'amour rend ingénieux. Je lui dis, monsieur, bonjour, vendez-vous de la graine de carotte? Il me répond, non, mais j'ai de bien beaux géraniums. Et cette réponse fut un éclair. Combien le pot? 4 francs. Marchand! Arrivé chez lui, je choisis 4 pots. C'était justement la fête de mon portier. Et je lui demande la main de sa fille. Qui êtes-vous? J'ai 22 francs de rente. Sortez! Par jour! Asseyez-vous donc! Admirez-vous la laideur de son caractère. À partir de ce moment-là, je fus admis à partager sa soupe aux choux. en compagnie du cousin Bobin. Bobin, un grand dadé qui a la manie d'embrasser tout le monde, surtout ma femme. À ça, on me répond, bah, ils ont été élevés ensemble. Et bah, ça n'est pas une raison. Non. Et une fois mariés, êtes-vous comme moi? Ce mot-là, marié, me met une fourmi à chaque pointe de cheveux. Il n'y a pas à dire, dans une heure, je le saurai. Marié. Marié. J'aurai une petite femme, rien qu'à moi, et je pourrai l'embrasser tant que je veux, sans que le porc-épic, vous savez, ne vienne me crier « Monsieur, on ne marche pas dans les plates-bandes, non !» Oh. Pauvre petite femme, hein. Eh ben, je crois que je lui serai fidèle. Parole d'honneur. Non? Non? Oh, que si. Elle est si gentille, mon Hélène, sous sa couronne de mariée. Connaissez-vous dans Barcelone, une Andalouse au teint bruni, oh, noir sourcil. Eh bien, ce portrait de Lyon, ce portrait de fière amazone, à l'œil hardi trop dégourdi, n'est pas celui de Maouri, non, non. Non, Dieu merci, c'est heureux pour un futur mari. Une rose avec une couronne d'oranger, telle est la lithographie de mon Hélène. Je lui ai fait... Allez, ça va, merci. Merci. Je lui ai fait arranger un appartement délicieux. Ici, c'est déjà pas mal. Mais par là, c'est délicieux. Un paradis en palissandre, des rideaux chamois. C'est cher, mais c'est joli. Un mobilier de lune de miel. Ah, je voudrais qu'il fût minuit un quart. Monte. C'est elle et son cortège. Oh, oh, viens. Voilà les fourmis. En veux-tu des fourmis? Entrez, madame. Venez bien. La dame au chapeau et son africain. Sapristi. Émile, pas de scandale. Soyez tranquille, je suis votre cavalier. Ah. Vous ne comptiez pas nous revoir si tôt, monsieur? Certainement. Votre visite me flatte beaucoup, mais j'avoue qu'en ce moment, qu'est-ce qu'ils me veulent? Offrez donc un siège à madame. Ah, pardon, madame désire s'asseoir. Vous ne savez pas. Là. Et ma noce que j'attends. Vous avez un cheval qui marche bien, monsieur. Pas mal. Vous êtes bien bon. Est-ce que vous l'avez suivi à pied? Du tout, monsieur. J'ai fait monter mon brosseur derrière votre voiture. Ah, si j'avais su, j'avais mon fouet. Et si vous aviez su? Eh bien, je l'aurais prié de monter dedans. Il m'agace, l'Africain. Émile, le temps se passe à Bréjon, cette visite. Je suis tout à fait de l'avis de madame à Bréjon. Monsieur, vous auriez grand besoin de quelques leçons de savoir-vivre. Lieutenant, j'ai fait mes classes. Vous nous avez quittés fort impoliment dans le bois de Vincennes. J'étais pressé. Et vous avez laissé tomber, par mégarde sans doute, cette petite pièce de monnaie. 20 sous. Eh ben, c'était 20 sous, je m'en doutais. C'est une erreur, je suis fâché que vous ayez pris la peine. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? 20 francs pour le chapeau. Non, c'est juste, j'ai promis à madame de rester calme. Non, mais j'ai cru que c'était le prix. Est-ce 3 francs de plus? Je ne suis pas à ça près. Il ne s'agit pas de ça, monsieur. Nous ne sommes pas venus ici pour réclamer de l'argent. Ah non? Eh ben, mais alors, quoi? Des excuses, d'abord, monsieur. Des excuses à madame. Des excuses, moi. Non, c'est inutile, je vous dispense. Du tout, madame. Je suis votre cavalier. Ah. qu'à cela ne tienne. Madame. Quoique, à vrai dire, ça ne soit pas moi personnellement qui ai mangé votre chapeau. Hein. Et encore, madame, êtes-vous bien sûr que mon cheval n'était pas dans son bon droit en grignotant cet article de mode? Vous dites... Écoutez, écoutez, donc. Pourquoi madame accroche-t-elle ses chapeaux dans les arbres? Un arbre n'est pas un champignon, peut-être. Pourquoi madame se promène-t-elle dans les forêts avec des militaires? C'est très louche, ça, madame. Oh, monsieur... Mais que voulez-vous dire? Apprenez que monsieur Tavernier... Qui ça, Tavernier? C'est moi, monsieur. Que monsieur Tavernier est mon cousin. Nous avons été élevés ensemble. Oui, je connais ça, c'est son bobin. Et si j'ai consenti à accepter son bras, c'est pour causer de son avenir, de son avancement, pour lui faire de la morale. Sans chapeau. Mais ne cassez donc pas mes chaises, vous! Oh, je vais le flanquer du haut de l'escalier! Ah non! Il pourrait tomber sur la tête de ma noce. Abréjean, monsieur! Je suis tout à fait de votre avis. Vous m'avez pris mon mot, Abréjean! Voulez-vous, oui ou non, faire des excuses à madame? Comment donc? Très volontiers, très volontiers. Je suis pressé, madame. Madame, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de la considération la plus distinguée avec laquelle, enfin, j'infligerai une volée à cocotte. Ça suffit pas. Non, non, et ben je la mettrai aux galères à perpétuité. Ah. Monsieur, ne cassez-vous pas mes chaises, vous! C'est pas tout. Attends, nous redescendons. Mon Dieu, quelqu'un. Fichtre, le beau-père. S'il trouve une femme ici, tout est rompu. Surprise, c'est un étranger, que devenir? Madame, permettez. Monsieur, monsieur. Renvoyez ces gens-là! Nous reprendrons cet entretien! Oh! Il était temps! Mon gendre, tout est rompu! Vous vous conduisez comme un paltoquet! Mais papa! Silence, ma fille! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Toute la noce est en bas! Huit fiacres! Un coup d'œil magnifique! Eh bien! Vous deviez nous recevoir au bas de l'escalier! Pour nous embrasser! Faites des excuses à ma fille. Mais papa! Silence, ma fille! Allons, monsieur, des excuses. Il paraît que je n'en sortirai pas. Mademoiselle, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de la considération la plus distinguée. Mais, autre chose! Pourquoi êtes-vous parti ce matin de Charentonneau sans nous dire adieu? Il n'a embrassé personne! Oh, silence, papa! Répondez! Dame, vous dormiez! Pas vrai! Je scierai mes bottes! C'est parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans! Des pipinéristes! Ça n'en vaut pas la peine! Voyez comme le porc-épic se développe là! Vous méprisez déjà votre famille! Tenez, beau-père! Purgez-vous! Je vous assure que cela va vous faire du bien! Ah là! Mais le mariage n'est pas encore fait, monsieur! On peut le rompre! Rompez, mon oncle, rompez! Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds! Oh, Christy! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? J'ai des souliers vernis. Ah! Ça me blesse, ça m'agace, ça me turlupine. Ah. Christy! Ça se fera en marchant, papa! Tiens, mais qu'est-ce qu'elle a donc? A-t-on apporté un myrte pour moi? Un myrte, pour quoi faire? Mais c'est un emblème, monsieur! Vous riez de ça? Vous vous moquez de nous parce que nous sommes déjà de la campagne, des paysans! Des pipinéristes! Allez, allez! Mais c'est égal! Je vais le placer moi-même dans la chambre à coucher de ma fille, afin qu'elle puisse se dire... Oh, Christy! Ah, que vous êtes bon, papa! Encore? Ah ça, mais c'est un tic, je l'avais pas remarqué. Papa, j'ai une épingle dans le dos, ça me pique. Je me disais aussi. Attendez, ma cousine. Non, monsieur. Monsieur, restez chez vous. Bon, puisqu'ils ont été élevés ensemble. C'est ma cousine. Eh bien, ça bien. On ne marche pas dans les plates-bandes. Tiens, entre là. Avec l'Africain, merci. Non, non, t'en parles là. Pourquoi? C'est plein de tapissiers. Ah, alors marche. Secoue-toi, hein, ça la fera descendre. Christy, je n'y tiens plus. Je vais mettre les chaussons de lisière. Non, non, pas par là, pas par là. À cause. Je vais vous dire, c'est plein de serruriers. Qu'est-ce qu'il y a qui s'est... Ah ça, vous logez donc tout le corps d'État. Alors filons, ne nous faisons pas attendre. Bobin, donne le bras à ta cousine. Allons, mon jeune, à la mairie. Christy. Ah, et les deux autres qui sont là. Vite, mon gendre en carrosse. Nos huit fiacres nous attendent en bas. Et l'on dira... Ah, ah, c'est une noce. Comme à Paris, l'on n'en voit pas. Comme à Paris, l'on n'en voit pas. Allez, montez en carrosse. Cher beau père, je suis beau pas. Je cours pour rejoindre la noce. Je descends, vous n'attendrez pas. Je descends, vous n'attendrez pas. Vite, monsieur, en carrosse. Nos huit fiacres nous attendent en bas. Et on ira. C'est une noce. Comme à Paris, l'on ne voit pas. Comme à Paris, l'on ne voit pas. Je vous suis. Le temps de prendre mon chapeau, mes gants. Venez, venez, madame. Vous ne pouvez pas rester chez moi. Allons, monsieur des Campos. Ciel, Virginie. Ma femme de chambre, nous sommes perdus. Dans le bois de Vincennes avec un militaire. Mais tout sort celle-là. Elle ressemble au chapeau de madame. Oh, ce serait drôle tout de même. Vous envoyez cette fille ou je vous tue. Ah, il faut que je le sache. Sacrebleu. Oh. Va-t'en. Oh, monsieur. Oh, monsieur. Oh. Va-t'en. Ou je te tue. Mais quelle est cette créature, que signifie? Allons bon, elle se trouve mal. Clarisse. Madame, madame, dépêchez-vous. Je suis très pressé. Hein. Mon gendre, mon gendre. Oui, voilà, voilà. Un verre d'eau sucrée, monsieur. Un verre d'eau sucrée. Voilà, voilà. Ah, oh, sacrebleu, quelle chance. Cher Anaïs. Et allons donc, morbleu. Eh ben, ça fond, vertu bleu. Ça fond. Madame, je ne voudrais pas vous renvoyer, mais je crois que si vous retourniez chez vous... Non. Eh, monsieur, cela n'est plus possible, maintenant. Ah bah, comment plus possible? Cette fille. Oh. Non, madame, madame. Cette fille est ma femme de chambre. Elle a reconnu le chapeau. Elle m'a raconté à mon mari. Un mari? À sa prolotte, il y a un mari? Un jaloux, un brutal. Mais si je rentre sans ce maudit chapeau, lui qui voit tout en noir, il pourra croire des choses. Jaune. Je suis perdue, compromise. J'en ferai une maladie. Hey. Oh. Non, non, non, non, pas ici, madame, pas ici. L'appartement est très malsain. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, voilà, voilà. Eh bien, qu'est-ce que nous décidons? Il faut absolument se procurer un chapeau tout semblable et vous êtes sauvés. Mais parbleu, l'Africain a raison. Tenez, madame, voici l'échantillon et en visitant les magasins... Mais moi, monsieur, mais je suis mourante. Vous ne voyez donc pas que madame est mourante? Eh bien, ce verre d'eau! Oui, voilà, voilà. Mais il n'y a pas de l'eau, déjà. Tiens, il est bu. Mais vous, vous, monsieur, qui n'êtes pas mourante! Moi, monsieur, quittez madame dans un pareil état! Mon gendre, mon gendre! Oui, voilà, voilà! Mais sapristi, monsieur, ce chapeau ne viendra pas tout seul sur la tête de madame! Sans doute. Courez, monsieur. Hein? Courez. Moi? Au nom du ciel, monsieur, partez vite. Mais partez vite et joli! Mais je me marie, moi, madame. J'ai l'honneur de vous faire part de cet affreux événement. Ma noce m'attend au pied de l'escalier. Je me souviens de votre noce, lieutenant. Et surtout, monsieur, choisissez une paille exactement pareille. Mon mari connaît le chapeau. Mais madame... Avec des coquelicots. Permettez. Nous l'attendrons ici, 15 jours. Un mois, s'il le faut. À deux façons qu'il me faut galoper. Après un chapeau de paille, sous peine de placer ma main sans état de vacabondage. Ah, très bien, vous êtes gentil. Eh bien, monsieur, partez-vous. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah monsieur. Je pars. Laissez mes chaises. Ne touchez à rien. Oh, sapristi, je cours chez la première modiste. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire de mes 8 fiacres? C'est le maire qui nous attend. Je vais tout compter au beau-père. Par exemple. Pas un mot ou vous êtes mort. Très bien, vous êtes gentil. Mon gendre, mon gendre. N'ouvrez pas. Ici. Mon gendre, vous interrompu. Oui, partons, partons. Non, mais attendez que je dépousse mon mystère. Ah non, n'entrez pas, n'entrez pas. Mais pourquoi? Je vais vous dire. C'est plein de fumistes. Venez, venez. Oh. Émile! Ah, Anaïs! Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Monsieur Tardiveau n'est pas encore arrivé? Je n'ai jamais vu de teneur de livre aussi lambin. Il est trop vieux. J'en prendrai un jeune. Me voilà. Je suis en âge. Mon compliment, monsieur Tardiveau, vous arrivez de bonne heure. Mademoiselle, ce n'est pas de ma faute. Je me suis levée à 6 heures. Dieu, que j'ai chaud. J'ai fait mon feu, j'ai fait ma barbe, j'ai fait ma soupe. Je l'ai mangée. Votre soupe? Qu'est-ce que cela me fait? Je ne peux pas prendre de café au lait, ça ne passe pas. Et comme je suis gars... Vous? Oui, alors j'ai été ôter ma tunique. Parce que vous comprenez, l'uniforme chez une modiste. Oh ça, mais... Père Tardiveau, vous avez plus de 55 ans. J'en ai 62, mademoiselle, pour vous servir. Merci bien. Mais j'ai obtenu du gouvernement la faveur de continuer mon service dans la gendarmerie nationale. En voilà du dévouement. Ah non, non, non, ça c'est pour me retrouver avec Trouillebert. Qu'est-ce que c'est que ça? Trouillebert, C'est un professeur de clarinette. Alors nous nous faisons mettre de garde ensemble et nous passons la nuit à jouer des verres d'eau sucrée. C'est ma seule faiblesse puisque la bière ne passe pas. Quel vieux maniaque. Dieu, que j'ai chaud. Ma chemise est trempée. Monsieur Tardivon, j'ai une course à vous donner. Vous allez courir. Pardon, mademoiselle. J'ai là mon petit vestiaire et auparavant, je vous demanderai la permission de passer un gilet de flanelle. Oui, en revenant. Vous allez courir rue Rambuteau, chez le passementier. Mais c'est pas... Vous rapporterez des écharpes tricolores. Des écharpes tricolores? C'est pour ce maire de province. Vous savez. Mais c'est que ma chemise est trempée. Mais allez, tout le monde. Pas parti. Mais voilà, je me changerai en revenant. Mes ouvrières sont à l'ouvrage. Tout va bien. Ah, c'est une bonne idée que j'ai eue de m'établir. Il n'y a que 4 mois et déjà les pratiques arrivent. Ah, c'est que je ne suis pas une modiste comme les autres, moi. Je suis sage. Je n'ai pas d'amoureux. Pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, il me faut un chapeau de paille, tout de suite. Dépêchez-vous. Un chapeau de... Bigre, Clara, une ancienne. Et ma noche qui est à la porte. Eh bien, vous n'en tenez pas, va très bien, je reviendrai. Vous voilà, d'où venez-vous? Pas de bruit, je vous expliquerai ça. J'arrive de Saumur. Depuis 6 mois? Oui, j'ai manqué la diligence, oui. Fichue rencontre. Oh, vous êtes gentil. C'est comme ça que vous vous conduisez avec les femmes. Chut, pas de bruit. J'ai quelques légers torts. Comment? Quelques légers torts? Monsieur me dit, je vais te conduire au château des fleurs. Nous partons en route. La pluie nous surprend. Et au lieu de m'offrir un fiacre, vous m'offrez quoi? Le passage des panoramas. Oh, c'est vrai que j'ai été assez canaille pour ça, oui. Et voilà, vous me dites, attends-moi, je vais chercher un parapluie. J'attends. Et vous revenez au bout de 6 mois, sans parapluie. Clara, d'abord, tu exagères. Il n'y a que 5 mois et demi, et quant au parapluie, mais c'est un oubli, je vais le chercher. Du tout. Il me faut une explication. Sapristi et Manos qui droguent à l'heure dans 8 fiacres. Clara, ma petite Clara, tu sais si je t'aime. Quand je pense que cet être-là avait promis de m'épouser. Comme ça se trouve, mais je te le promets, toujours. Oh, d'abord, si vous en épousiez une autre, ferait un éclat. Moi, épouser une autre femme. Mais la preuve, c'est que je te donne ma pratique. Il me faut un chapeau de paille, tout de suite, avec des coquelicots. Oui, c'est ça, c'est pour une autre femme. Mais quelle tête. Un chapeau de paille pour... Non. C'est pour un capitaine de dragon qui veut faire des traits à son colonel. C'est pas bien sûr, mais je vous pardonne à une condition. Je l'accepte, dépêchons-nous. C'est que vous dînerez avec moi. Parbleu. Et vous me conduirez ce soir à l'Ambigu. Hey, voilà une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Je me disais justement comme ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans ma soirée. Voyons les chapeaux. C'est ici mon salon. Allons dans mon magasin. Et ne faites pas de l'œil à mes ouvrières. Engendre, tout est rompu. Pristi, le beau-père. Oui, monsieur le maire. Tout à l'heure. Je le cherche. Attendez-moi là. Parents, allez, en ce beau jour réunis, à la mairie, entrons en cérémonie. C'est en ces lieux que déclare bien l'amour aux mots, les époux, prononcer des serments si doux. Enfin, nous voilà à la mairie. Mes enfants! Mes enfants, je vous recommande de ne pas faire de bêtises. Gardez vos gants, hein? Oui, mais ceux qui en ont. Quant à moi, Christy, il est embêtant, ce myrte. Hein? Si j'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre. Je suis très ému. Et. Bah, et toi, ma fille? Papa, ça me pique toujours dans le dos. Mais marche! Va faire des sorts! Père de nos cours, déposez votre myrte! Non! Je ne m'en séparerai qu'avec ma fille. Ah, dis donc, non. Hélène? Le jour même qui te vit naître, j'empotais ce frêle arbrisseau. Je le plaçais sur ta fenêtre et grandis près de ton berceau. Il poussa près de ton berceau et lorsque ta mère nourrice te donnait ta tétée le soir, te donnait ta tétée le soir. Je lui rendais le même office au moyen de mon arrosoir. Oui, je fus sa mère nourrice. Au moyen de mon arrosoir. Au moyen de mon arrosoir. Au moyen de... Christy! Bah tiens, prends ça, j'ai une crampe. C'est très gentil ici. Voilà le prétoire. Oh. Le registre de l'état civil. Oh. Nous allons tous signer là-dessus. Allez. Ceux qui ne savent pas. Mais ils feront le droit. Un buste de femme. Il n'est pas ressemblant. Celui de Charentonneau est mieux que ça. Papa, qu'est-ce qu'on va me faire? Mais rien, ma fille. Tu n'auras qu'à dire oui en baissant les yeux. Et tout sera fini. Tout sera fini. Oh, tiens, prends ça, j'ai envie de pleurer. Ah, mais plaisir. Diable, c'est que moi, j'ai envie de me moucher. Ah, tenez, perdons un coup. Oh, hey, oh. Merci. Si j'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre. Dieu, que j'ai chaud. Voilà, monsieur le maire, avec son écharpe. Gardez vos gants. Oh, mon oncle, j'en ai perdu un. Mais mets ta main dans la poche. Mais pas celle-là, imbécile. Oui. Enfin, je vais pouvoir changer. Monsieur, voici la mariée. Salut, salut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma fille. Ma cousine. Je suis son père. Je suis son cousin. Oui, ben, oui. Et voilà le parent. Salut lui. Ils sont très polis, mais ils vont m'empêcher de changer. Voulez-vous commencer par prendre le nom? Volontiers. C'est une noce de campagne qui vient faire des emplettes. Y êtes-vous? Antoine Petit-Pierre... Les prénoms sont inutiles. Hein? Ah ben, Jean-Antonio le demande. Dépêchons-nous, monsieur, j'ai extrêmement chaud. Oui. Antoine Voiture Petit-Pierre... Pardonnez mon émotion, mais j'ai un soulier qui me blesse. Eh ben, bon, eh ben, ma fille. Papa, ça me pique toujours. Monsieur, ne perdons pas de temps. Non, bien sûr, je vais attraper une pleurésie. Votre adresse? Citoyen majeur. Où demeurez-vous donc? Pépiniéry. Membre de la société d'horticulture de Syracuse. Mais c'est inutile. Né à Grosbois, le 7 décembre 98. En voilà assez. Je ne vous demande pas votre biographie. Et j'ai fini. Il est caustique, ce maire. Hein? À vous. À vous. Monsieur, en ma qualité de témoin, pardon, je me suis pénétré de mes devoirs. Il m'est paru qu'un témoin devait réunir trois qualités. Mais, monsieur, la première était... Où donc est passé mon gendarme? Venez voir, mon oncle. Quoi donc? Ne l'avez pas. Mon gendarme qui aurait une autre femme. Oh, le policier. C'est un... Le jour des Sénats. La seconde est d'être français, ou tout au moins naturalisé. Ah, ok, mais... ça n'ira pas plus loin. Je rends tout. Biffé, monsieur, biffé. Je reprends ma fille. Bobin, je te la donne. Ah, oh, mon oncle. Quel courage, qu'ai-je donc fait d'affreux, de honteux, d'odieux, de si monstrueux? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous quitté les fiacres? Vos ordres, tout est rompu. Oui, mais c'est convenu, oui. Vous me rappelez les orgies de la Régence. Fille, monsieur, fille. Fille, fille. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, comment? Vous me le demandez? Non, tu me le demandes. Quand je viens de te surprendre avec ta colombine. Harlequin! Fichtre, il m'a vu. Alors je ne le nierai pas. Ah, il l'a vu. Pauvre cousine. Fille, monsieur. Tenez-vous donc tranquille, vous. On ne marche pas dans les plates-bandes. C'est ma cousine. C'est permis. Ah, c'est permis. Et bien, cette dame que j'ai embrassée est ma cousine aussi. Présentez-la-moi. Je vais l'inviter à la noce. Non, c'est plus que ça. Non, c'est inutile. Elle n'accepterait pas. Elle est en deuil. À Robrose? Oui. Oui, c'est de son mari. Monsieur, Jean-Renou. Bobin, je te la retire. Oh. Oh, le vieux tourniquet! Alors, nous pouvons commencer! Prenons place! Et que diable font-ils là? Non! Je ne peux pas rester comme ça! Ah! Il s'en va! Il paraît que c'est pas ici qu'on m'arrive! Il faut absolument que je change! Suivons, monsieur le maire! Puisque ce dit-elle, elle le dit et le voit. Suivons, monsieur le maire, et que le dit-on. Clara. Dis donc. Voici votre échantillon. Je n'ai rien de pareil à ça. Comment? C'est une paille très fine qui n'est pas dans le commerce. Oh, vous n'en trouverez nulle part. Allez. Sapristi, me voilà bien. Si vous voulez attendre 15 jours, je vous en ferai venir un de Florence. 15 jours, petite bûche. Je n'en connais qu'un semblable à Paris. Je l'achète. Oui. Mais il n'est pas à vendre. Je l'ai monté il y a 8 jours pour Madame la Baronne de Champigny. Une baronne. Une baronne. Eh ben, je ne peux pas me présenter chez elle et lui dire « Madame, combien de chapeaux ?» Non. Ma foi. Ma foi, tant pis pour ce monsieur et pour cette dame. Je vais d'abord me marier et après... Dieu, que j'ai chaud. Je viens de la maison. Oh, eh bien, ce militaire. Il jure et il grasse. Il casse les chaises. Sapristi. Il dit que vous le faites poser. Vous deviez être de retour dans 10 minutes, mais qu'il vous repassera tôt ou tard quand vous rentrerez. Félix, tu es mon domestique. Je t'ordonne de le flanquer par la fenêtre. Allez. Il ne s'y prêterait pas. Ah, et la dame, la dame. Elle a des attaques de nerfs. Elle se roule, elle pleure. Eh bien, ça séchera, ça séchera. Alors, on l'a envoyé chercher le médecin. Il l'a fait mettre au lit. Il ne la quitte pas. Au lit? Où ça, au lit? Dans quel lit? Dans le vôtre, monsieur. Profanation! Je n'en veux pas! La couche de mon Hélène, que je n'osais pas même étreindre du regard, et voilà une dame qui vient rouler ses nerfs! Va, cours. Tire les couvertures. Oh, mais monsieur... Dis-leur que j'ai trouvé l'objet, que je suis sur la piste. Quel objet? Fais donc, animal! Il a peu hésité. Une malade chez moi. Un médecin. Il me faut ce chapeau. À tout prix. Oui, du singe, le conquérir sur une tête couronnée ou au sommet de l'obélisque. Oui! Oui, oui, mais qu'est-ce que je vais faire de ma noce? Ah, une idée. Et si je les introduisais dans la colonne, c'est ça, je dis au gardien, je retiens le monument pour 12 heures, ne laissez sortir personne. Oh, Clara! Vite, où demeure-t-elle? Qui ça? La baronne. Quelle baronne? Eh bien, la baronne au chapeau, crétine! Oh, mais dites donc! Non, pardon, cher ange, je voulais dire... cher ange, donne-moi son adresse! Monsieur Tardy, vous va vous y conduire, le voici, mais... Vous m'épouserez? Mais, parbleu! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais pourquoi diable me suivent-ils? Impossible de changer! Dites donc qu'on disait monsieur chez la baronne de Champigny! Mais madame! Dépêchons-nous, c'est pressé! J'ai 8 fiacres, prenez le premier! Puisque le sol dit terre, gagne l'île et nos bas, si l'on ne se le et ne le dit-on pas. Puisque le sol dit terre, gagne l'île et nos bas, si l'on ne se le et ne le dit-on pas. Thank you. charmant, ravissant. C'est décoré avec un goût. Et par ici, une table servie. Ah, curieux. Ah, ça, ma chère cousine, vous nous invitez à une matinée musicale et je vois les préparatifs d'un souper. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mon cher vicomte, que je tiens à garder mes invités le plus longtemps possible. Après le concert, on dînera et après le dîner, on dansera. Voilà le programme. Je m'y conformerai. Est-ce que vous avez beaucoup de chanteurs? Ah oui, pourquoi? C'est que je vous aurais prié de me conserver une petite place. J'ai composé une romance. Aïe. Le titre est délicieux. Brise du soir. Oh, c'est neuf surtout. Quant à l'idée, c'est plein de fraîcheur. On fait les foins. Un jeune pâtre est assis dans la prairie. Certainement, c'est très gentil en famille pendant qu'on fait le whist. Mais aujourd'hui, mon cher cousin, place aux artistes. Et nous aurons les premiers talents. Et parmi eux, le chanteur à la mode, le fameux Nisnardi de Bologne. Nisnardi, qu'est-ce que c'est que ça? Un ténor arrivé depuis 8 jours à Paris et qui est déjà célèbre. On se l'arrache. Je ne le connais pas. Ni moi, mais j'y tenais. Je lui ai fait offrir 3000 francs pour chanter 2 morceaux. Prenez Brise du soir pour rien. Non, c'est trop cher. Ce matin, j'ai reçu la réponse du seigneur Nisnardi. Le voici. Ah, un autographe, voyons. Madame, vous me demandez 2 morceaux. J'en chanterai 3. Vous m'offrez 1000 écus. Ce n'est pas assez. Mazette. Je n'accepterai qu'une fleur de votre bouquet. Ah, ah, c'est délicat. Tiens, j'en ferai une romance. Oh, c'est un homme charmant. Oh, jeudi dernier, il a chanté chez la comtesse de Bray, qui a de si jolis pieds. Vous savez, oui, eh bien, devinez ce qu'il lui a demandé. Dame, je ne sais pas. Un pot de giroflée? Oh, bon, non. Un soulier de bal. Un soulier? Ah, voilà un original. Et il est plein de fantaisie. Après ça, tant qu'elles ne passeront pas la cheville... Oh, tant pis, vicomte. Dame, écoutez donc. Un témoin. Mon Dieu. Sois déjà mes invités, mon cousin. Veuillez me remplacer, je ne serai pas longtemps. Soyez tranquille, belle cousine. Comptez sur moi. Qui demande à parler à Madame la Baronne de Champigny. Son nom? Il n'a pas voulu le dire, il dit que c'est lui qui a eu l'honneur d'écrire ce matin à Madame la Baronne. Ah, j'y suis! Le chanteur! L'homme au soulier! Oh, je suis curieux de le voir. Diable! Il est exact, on voit bien que c'est un étranger. N'importe, un homme qui refuse 3000 francs, on doit le combler des gars. Faites entrer! D'ailleurs, c'est un musicien, un confrère. Pardon, monsieur. Entrez donc, mon cher, entrez donc. Je vous remercie, j'étais bien là. Qu'est-ce que je fais? Ces domestiques, ce salon doré. Ces grands portraits de famille qui avaient l'air de me dire, ben veux-tu t'en aller? Puis si nous ne vendons pas de chapeau. Tout ça m'a donné un trac. Il a bien l'air d'un Italien. Oh, quel drôle de gilet. Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Ça doit être quelque majordome. Asseyez-vous donc. Non, merci. Je suis trop fatigué, c'est-à-dire je suis venu en fiacre. En fiacre ? C'est charmant. Mais c'est plus dur que charmant. Nous parlions de vous à l'instant. Ah, mon gaillard, il paraît que vous aimez les petits pieds. Aux truffes ? Ah, très joli ! C'est égal, votre histoire de souliers est adorable. Adorable. Ah ça, mais qu'est-ce qui me chante ? Pardon, pardon, mais s'il n'y a pas d'indiscrétion, je désirerais parler à Madame la Baronne. C'est prodigieux, mon cher, vous n'avez pas le moindre accent. Ah, ça, vous me flattez. Ma parole, vous seriez de Nanterre ! Ça, mais qu'est-ce qui me chante ? Pardon, pardon, mais s'il n'y a pas d'indiscrétion, je désirerais parler à Madame de Champigny. Elle va venir. Elle est à sa toilette. Et je suis chargé de la remplacer, moi, son cousin, le vicomte Achille de Rosalba. Un vicomte ? Oh, ma foi, je n'oserai jamais marchander un chapeau de paille à ces gens-là. Dites donc, monsieur le vicomte, que penseriez-vous d'une romance intitulée Brise du soir ? Ah. Quoi ? Mais. Et vous, hein ? C'est plein de fraîcheur. On fait les foins ? Un jeune pâtre est assis dans la prairie. Oh, pardon ! Pardon ! Et s'il n'y a pas d'indiscrétion, je désirerais parler. C'est juste. Je cours la prévenir. Enchanté, mon cher, d'avoir fait votre connaissance. C'est moi, monsieur le vicomte, qui suis. C'est qu'il n'a pas le moindre accent. Pas le moindre. Enfin, me voilà chez la baronne. Oh, elle est prévenue de ma visite. En sortant de chez Clara, la modiste, je lui ai vite écrit un billet. Je lui ai tout raconté. Et j'ai fini par cette phrase que je crois pathétique. Madame, deux têtes sont attachées à votre chapeau. Rappelez-vous que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Je crois que ça fera pas mal, hein. Et j'ai signé le compte de Fadina. Ça fera pas mal non plus, hein. Parce que une baronne. Ah, sapristi. Elle met le temps à sa toilette, hein. Et ma diable de noche qui est toujours là, en bas. Ce qu'il n'y a pas à dire, ils ne veulent pas me lâcher. Et ça, ça, sans compter le beau-père, mon porc-épic, là. Ah, toujours le nez à la portière à me crier « Mon gendre, êtes-vous bien, mon gendre ? Oh, quel est ce monument, mon gendre ? Où allons-nous ?» Alors, pour m'en débarrasser, je lui ai répondu « Au veau qui tête !» Il se croit dans la cour de cet établissement. Mais j'ai recommandé au cocher de ne laisser monter personne. Je n'éprouve pas le besoin de présenter ma famille, la baronne. Sapristi, elle met le temps à sa toilette. Si elle savait, mais si elle savait que j'ai chez moi deux enragés qui disloquent mes meubles, et que ce soir, peut-être, j'aurais pas même une chaise à offrir à ma femme pour reposer sa tête. Ma femme. Oh. Ah, je ne vous ai pas dit. Un détail. Je suis marié. C'est fini. C'est fini. Que voulez-vous? Le beau-père écumait, sa fille pleurait, Bobin m'embrassait. Alors j'ai profité d'un embarras de voiture pour entrer à la mairie. Et de là, à l'église. Pauvre Hélène, si vous l'aviez vue avec son air de colombe. Sapristi, mais elle met le temps à sa toilette! Oh, la voici. Mille pardons, cher monsieur, de vous avoir fait attendre. C'est moi, madame, qui suis confus. Non, tiens, voilà mon trac qui me reprend. Je vous remercie d'être venu de bonne heure. Nous pourrons causer. Vous n'avez pas froid? Non, non, merci. Je suis venu en fiacre. Ah, ça dame, s'il y a une chose que je ne peux pas vous donner, c'est le ciel de l'Italie. Ah, madame, d'abord je ne l'accepterai pas, ça me gênerait, et puis ça n'est pas là ce que je suis venu chercher. Je pense bien. Quel magnifique pays que l'Italie. Ah ça, et qu'est-ce qu'elle a donc à me parler de l'Italie? Souvenir trace à mon âme charmée ses palais somptueux, ses monts et ses coteaux. Et ses chapeaux. Et ses bois d'oranger, la brise embaumée mêle ses chants d'amour aux chansons des oiseaux. Son golfe aux tièdes eaux berçant mille vaisseaux et ses blés d'or si beaux. Dont on fait de jolis chapeaux que mangent les chevaux. Comment? Non. Madame la baronne a sans doute reçu le billet que je me suis fait l'honneur... Non, c'est-à-dire que je lui ai fait l'honneur... C'est-à-dire que j'ai eu l'honneur de lui écrire un billet... Mais certainement, c'est d'une délicatesse. Vous avez dû me trouver bien indiscret. Oh, du tout. Je demanderai à madame la baronne la permission de... Oh. Non, non, non, non. La permission... de lui rappeler que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. J'ai dit. Le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Oui, sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a compris. Elle va me remettre le chapeau. Convenez que c'est une belle chose que la musique. Hein? Quelle langue, quel feu, quelle passion! Ah, ne m'en parlez pas, la musique! La musique! La musique! Elle va me remettre le chapeau! Pourquoi ne faites-vous pas travailler Rossini? Vous? Moi? Elle a une conversation très décousue, cette femme-là! Pardon, mais je rappellerai à madame la baronne que j'ai eu l'honneur de lui écrire un billet. Oui, un billet délicieux que je garderai toujours, croyez-le bien, toujours. Comment donc, voilà tout. Qu'est-ce que vous pensez d'Alboy? Rien du tout, je ne penserai pas. Pas rien du tout. Mais je rappellerai à madame la baronne que dans ce billet, je lui demandais... Oh, folle que je suis, vous y tenez donc beaucoup. Mais si j'y tiens, mais que, comme l'arabe à son coursier. Oh, quelle chaleur méridionale. Il y aurait de la cruauté à vous faire attendre plus longtemps. Oh, enfin, je vais tenir ce malheureux chapeau, je pourrai rentrer chez moi. Il s'agit maintenant... Dois-je marchander? Non, ne soyons pas crasseux, une baronne. Voilà, monsieur. Ah. Je fais content. Ah. Et là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un œil est d'Inde. Hassan n'a donc pas reçu ma lettre, mais je porterai plainte contre le facteur. Oh. Et toujours auprès des ombres vautours. De remplir ses désirs, votre ami vous remercie. Heureux jour qui toujours près de vous semble trop court. Je vous ai promis un chanteur exquis. Salut et voici le signor Nisnardi. Dis-moi Nisnardi, que diable est ceci? Rival du grand Rubini. Mais non, quelle erreur! Taisez-vous, monsieur. Ah. De Bologne, les bravos ont des échos. Pour rester ici, soyons Nisnardi au lieu de Fatimardi. Eh bien, mesdames, je ne le nierai pas, je suis Nisnardi, le grand Nisnardi. Sans ça, on me flanquerait à la porte. Signor! Bien, en attendant que nous soyons tous réunis pour applaudir notre rossignol de Bologne, si ces dames voulaient faire un tour dans les jardins. Quel plaisir de venir chez l'ami qui vous convie le jour, qui toujours. Remplir ses désirs, votre ami vous remercie. Heureux jour qui toujours près de vous semble trop court. Quel plaisir de courir après des bails d'Italie, le jour qu'on se marie et qu'on se noie tout à l'amour. Au fait, mais c'est peut-être un moyen. Madame la baronne, Madame la baronne, j'aurais une petite prière à vous adresser, mais je n'ose. Oh, parlez, vous savez que je ne peux rien refuser au signor Nisnardi. C'est que ma demande va vous paraître bien folle, bien fantasque. Oh mon Dieu, je crois qu'elle a regardé mes souliers. Entre nous, voyez-vous, je suis un drôle de corps. Mm-hmm. Vous savez, les artistes, ils me passent par la tête mille fantaisies. Oh, je le sais. Ah, tant mieux. Tant mieux. Parce que lorsqu'on refuse de les satisfaire, ça me prend là, à la gorge. Je parle comme ça, impossible de chanter. Oh mon Dieu, et mon concert. Parlez, monsieur, que vous faut-il? Que désirez-vous? Voilà, c'est très difficile à demander. Il me fait peur, il ne regarde plus mes souliers. Et je sens que si vous ne m'encouragez pas un peu, c'est tellement en dehors des usages. Mon bouquet, peut-être. Non, non, non, ça n'est pas cela. C'est infiniment plus excentrique. Mais il me regarde. Je suis presque fâchée de l'avoir annoncé à mes invités. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Que vous avez de jolis cheveux. Des cheveux, par exemple. Il me rappelle un délicieux chapeau que vous portiez hier. À Chantilly? Précisément. Oh, le délicieux chapeau. Le ravissant chapeau. Comment, monsieur, c'est cela? Oui, je n'osais pas vous le dire. Mais enfin, le mot est lâché. Après ce chapeau, je soupire. Mon bonheur s'y trouve accroché. Sous cette coiffure jolie, mon œil ébloui rencontra l'être divin que voilà. Et je me dis si pour la vie, l'image doit m'être ravie. le cadre au moins me restera. Qu'est-ce la madrigale je fais là? Oui, le cadre me restera. Je l'aurai. Je comprends, monsieur. C'est pour faire pendant aux souliers. Quel soulier? Quel soulier? Soyez tranquille, monsieur. Ce chapeau, demain, je vous l'enverrai. Non, tout de suite, tout de suite. Ce pendant. Mais retournez-vous, ma voix, je l'ai dans les... Oh, mon Dieu, Clotilde! Clotilde! Oh, voilà. Oui. Oh, monsieur, dans 5 minutes... Oh. Dans 5 minutes, vous serez satisfait, pardonnez-moi, mais... Un chapeau, c'est si original. Je comprends, madame, mais... Dans 5 minutes, j'aurai décampé avec le chapeau et je laisserai ma bourse en paiement. Je pense au père Nonancourt, doit-il rager dans son fiacre? Le diable est donc passé mon genre. Le bon père. Ah! Ah! Mon gendre tout corrompu! Qu'est-ce que vous faites là? Nous dînons! Où ça? Là! Non! Sapristi, le dîner de la baronne! Satané, vous qui t'êtes! Quel crâne maison! Je reviendrai quelquefois! Permettez! Là! Psst, permettez! Ben, c'est égal! Votre conduite ne sert à pas grand-chose! Mon père! Abandonnez votre femme le jour de sa noce! Et la laisser dîner sans vous. Et les autres? C'est mort. Oh, je me sens bien, voilà une sueur froide. Je sais pas ce que j'ai, mais je crois que je suis un peu pochard. Allons, viens. Et les autres? Et les autres? Ah, ils sont comme moi. Hey. Bobin s'est jeté par terre. On a cherché la jarretière. Nous avons ri. Oh, mais que va dire la baronne? Et ce chapeau qui n'arrive pas, si je l'avais, je le décamperais! Vive la mariée! Vive la mariée! Voulez-vous vous taire? Voulez-vous vous taire? Je sais pas ce que j'ai fait de mon myrte, Fadina! Oui, vous, une nanana! Rentrez! Ben non, allez hop! L'ai emporté les choses de sa naissance! Oui, mais là, vous le retrouverez, les nanas! Vous le retrouverez! Ah, là! Non, le myrte! Le myrte! Il est dans le fiacre! Mais je cherche mon mouchoir que j'ai perdu. Mais en fait, il est dans votre poche. Tiens, c'est vrai, il était dans ma poche. Eh bien, monsieur, vous a-t-on remis ce que vous désiriez? Pas encore, madame, pas encore. Et je suis très pressé. Mais c'est pas ce que j'ai. Mais je crois que je suis un peu pochard. Qui est-ce, monsieur? Monsieur m'accompagne. Oh, mon compliment! C'est un talent, monsieur, que de bien accompagner. Il le prend pour un musicien. Salut, madame! Et la compagnie? C'est une belle femme, elle a la noce. S'il parle, je suis perdu. Et ce chapeau qui n'arrive pas! Monsieur est italien. Je suis de Charente-nous. Et voilà, c'est un petit village près d'Albano. Figurez-vous, madame, que j'ai perdu mon myrte. Quel myrte? Le myrte. Le myrte, c'est une romance. Ta-ta, bidabla, c'est très gracieux. Ah, c'est monsieur Désir, essayez le piano, c'est un pliel. Comment je vous dis? Non, c'est inutile. C'est rude. ruban. Oui, c'est une décoration. La jarretière. Ah, voilà, c'est ça, oui. L'encre de la jarretière. Santo Campo Pietro Nero. Dieu, j'ai chaud. C'est pas joli. J'espère, monsieur, que vous nous ferez l'honneur de dîner avec nous. Mais comment tout, madame? Demain? Pour aujourd'hui, je me suis fise. Tant pis. Bien, je vais prévenir nos invités qui meurent d'impatience de vous entendre. Trop bon. Encore des invités, mais quel crâne d'un sacré. Votre bras, monsieur. Oh, mais voilà gentil. Verrez-vous, madame, que j'ai perdu mon mérite. Ah, on va nous flanquer tous par la fenêtre. Monsieur, voilà le chapeau. Le chapeau. Tiens, voilà pour toi. Et ma bourse. Qu'est-ce qu'il a donc? Enfin, je le tiens. Un chapeau bleu en crêpe de Chine. Reviens ici, petite malheureuse. L'autre, où est-il? Ne faites pas de mal, monsieur. Le chapeau de paille d'Italie, où est-il? Je le veux. Madame, on a fait cadeau à sa filleule, madame de Beaupertuis. Oh, mille tonnerres, c'est à recommencer. Très bien, où demeure-t-elle? 12 rue de Ménard. C'est bien. Allez, va-t'en, tu m'agaces. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de filer. Le beau-père et la noce s'arrangeront avec la baronne. Cousin, est-ce qu'on ne va pas danser? Si, je vais chercher le violon, hein. Et maintenant, 12 rue de Ménard. Oui, Miss Verdi. Mais je ne m'en allais pas, je vous assure que je ne m'en allais pas. Bravo. Messieurs, mesdames, pincez sur le marchepied du fiacre. Mettez-vous au piano. Vous voulez que je me mette au piano? Mais je vais me mettre au piano. Signor Nisnardi, nous sommes prêts à vous applaudir. Certainement, madame. Trop bonne. Silence. Quelle position, je chante comme une corde d'appui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur chanter? Faut y taper? Mais je tape. Ah, ben oui, oui. Hop, hop. qui connaît les hussards de la garde, garde-toi. Qui les connaît, les hussards de la garde, garde-toi. Qui, oh, c'est toi. Qui les connaît, les hussards de la garde, toi. Qui les connaît, les garde, garde, garde, garde, garde, garde, garde, sac, sac, oh, sac, chaque, toi. Qui les connaît, les hussards de la garde, garde, garde, toi. Qui les connaît, les garde, garde, garde, garde, garde, garde, c'est bien drôle. C'est bien drôle. Ma femme me dit ce matin, à 9h moins 7 minutes, « Beau Pertuis, je sors, je vais acheter des gants de Suède. » Elle n'est pas encore rentrée. À 9h, 3/4 du soir. On ne me fera jamais croire qu'il faille 12h, 52 minutes pour acheter des gants de Suède. À moins d'aller les chercher dans leur pays natal. À force de me demander où ma femme pouvait être, j'ai gagné un mal de tête fou. Alors j'ai mis les pieds à l'eau. Et j'ai envoyé la bonne chez tous nos parents, amis, connaissances. Personne ne l'a vue. Ah ! J'ai oublié de l'envoyer chez ma tante Gros Minet. Anaïs y est peut-être. Virginie ! Oh ! Oh ! Oh, Virginie ! Voilà l'eau chaude, monsieur. Très bien, mais là, écoute. Prenez garde, elle est bouillante. Oh, te rappelles-tu bien quelle toilette avait ma femme ce matin quand elle est sortie ? Sa robe neuve, à volant. Et son beau chapeau de paille d'Italie. Ah oui, un cadeau de la baronne, sa marraine. Aïe ! Un chapeau de 500 francs au moins. Pour acheter des gants de Suède, c'est bien drôle. Le fait est que ça n'est pas ordinaire. Bien certainement, ma femme est en visite quelque part. Dans le bois de Vincennes, oui. Tu vas aller chez Madame Gros Minet. Au Gros Caillou ? Je suis sûr qu'elle est là. Oh non, monsieur, je suis sûr qu'elle n'y est pas. Hein ? Tu sais donc ? Moi, monsieur, non, je ne sais rien. Je dis, je ne crois pas. Et puis voilà 2 heures que vous me faites courir partout. Moi, je n'en puis plus, monsieur. Le Gros Caillou, hein, c'est pas à deux pas. Eh bien, prends une voiture. Tiens, voilà 3 francs. Bah. Cours ! Oui, monsieur. Je vais aller prendre le thé chez la fleuriste du 5e. Eh bien ! Voilà, je pars, hein. C'est égal. Tant que je n'aurais pas revu le chapeau de paille, ce serait drôle. Ah ! La tête me part ! J'aurais dû y mettre de la moutarde. Oh, Anaïs, si je croyais qu'il n'est pas de vengeance, pas de supplice que je... Enfin, la voici. Entrez ! J'ai les pieds à l'eau. Tu n'as qu'à tourner le bec. Entre, cher ami. Oh, monsieur Beaupertuis, s'il vous plaît. Un étranger, quel est ce monsieur? Je n'y suis pas. C'est vous, très bien. Oh, je n'en puis plus. On nous a tous brossés chez la baronne. Oh, moi, ça m'est égal, hein, mais le beau-père est furieux. Il veut mettre un article dans les débats contre le veau qui tète. Étrange hallucination. Sortez, monsieur. Sortez. Merci. Vous demeurez haut, hein. Oh, votre escalier raille. Mais enfin, monsieur, on n'entre pas ainsi chez les gens. Je vous réitère. Vous prenez un bain de pied? Oui. Ne vous en faites pas, hein, je n'ai que peu de choses à vous dire. Je ne reçois pas, je ne suis pas en état de vous écouter. J'ai mal à la tête. Et chauffez votre pain. Aïe! Voulez-vous laisser ça, mes enfants, monsieur? Que demandez-vous? Qui êtes-vous? Léonidas Fadinar, 25 ans, rentier, marié d'aujourd'hui. Mes 8 fiacres sont à votre porte. Qu'est-ce que cela me fait, monsieur? Je ne vous connais pas. Non, ni moi non plus, et je ne désire pas faire votre connaissance. Mais je veux parler à madame, votre épouse. Ma femme? Vous la connaissez? Non, pas du tout. Mais je sais à n'en pas douter qu'elle possède un objet de toilette dont j'ai le plus pressant besoin. Il me le faut, hein? Il me le faut, monsieur. Remarquez bien ce que ces mots renferment d'énergie. Je t'obtiendrai quel que soit le moyen, affreux produit de la belle Italie. Peut-on le vendre? Eh bien, je le paierai, le prix coûtant, plus une forte prime. Refusez-le, soit je le volerai. Il me le faut, monsieur, et je l'aurai. Pour cela, j'irai jusqu'au crime. Je me vautrerai dans le crime. Je me vautrerai dans le crime. Je me vautrerai dans le crime. Je me vautrerai dans le crime. C'est un voleur au bonsoir. Aïe, mais encore une fois, monsieur, sortez. Pas bon d'avoir vu madame. N'y est pas. À 10h du soir, c'est invraisemblable. Je vous dis qu'elle n'y est pas. Vous laissez courir votre femme à des heures pareilles, mais ça serait pas trop jobard, ça, monsieur. Aïe, je suis ébouillanté. Moi, je vois ce que c'est. Madame est couchée, et bah ça ne fait rien, ça m'est égal, et mes intentions sont pures, et je fermerai les yeux, et nous traiterons à l'aveuglette cette négociation. Monsieur, hein? Où est sa chambre, s'il vous plaît? Je vous brûle la cervelle. Monsieur, monsieur, je vous l'ai dit, j'irai jusqu'au crime. Attends un peu, cartouche, attends, papa moine. Qu'est-ce qui m'a bâti un malotru de cette espèce? Il monte chez lui et il nous plante à la porte. Enfin, me voilà chez mon gendre. Je vais pouvoir changer de chaussette. Attends! Attends-moi! Tiens! Il est là-dedans! Ah! Il se déshabille. Des souliers! Sabristi! Ah, quelle chance! Ça va mieux. Et ce myrte que je sens pousser dans mes bras, je vais le poser dans le sanctuaire conjugal. Mes souliers. Dis donc, toi, où est la chambre? La chambre? Oui. Un peu de patience. J'ai fini. Parbleu, je trouverai bien. Christy, j'ai les pieds enflés, mais ça ne fait rien. Ah, te voilà, gredin! Non, j'ai assez dansé! Je suis fatigué! C'est pas celui-là, c'en est un autre, toute une bande! Où est passé le premier? Brigand, où est ton capitaine? Merci, je ne prendrai plus rien. J'ai sommeil. Il est là! Oh, encore à un invité que je ne connais pas. Il a sa robe de chambre. Il paraît qu'on va se coucher, j'en suis pas fâché. La chambre à coucher est par là. Mais j'ai réfléchi. J'ai besoin de mon myrte pour mon discours solennel. Rappelez-vous, mon gendre. Je vais faire monter la mariée. Pas de tire-botte. L'amour dans ce séjour qui vous réclame, entrez madame, le jour fait, voici la nuit, moment bien doux pour deux époux. Non, je ne veux pas, je n'ose pas. Eh bien, redescendons, ma cousine. Silence, papa. Ton rôle de garçon d'honneur expire sur le seuil de cette porte. Hein? Je... Entre, ma fille. Pénètre sans crainte puérile dans le domicile conjugal. Est-ce que mon mari est déjà là? Il est dans ce paravent. Il se coiffe de nuit. Oh, je m'en vais. Non, redescendons, ma cousine. Silence, papine. Rom, rom, rom, rom, rom, rom, rom, rom, rom. Papa, je suis toute tremblante. Je le conçois. C'est dans le programme de ta situation. Allez. Tu vas la prendre. Hop. Mes enfants, voici le moment, je crois, de vous adresser quelques paroles bien senties. Allons, mon gendre, passez votre robe de chambre et venez vous placer à ma dextre. Oh non, papa! Alors restez dans votre paravent et veuillez me prêter une religieuse attention. Baba, mon myrte. Voilà. Oui. Mes enfants, savez-vous où l'on met les tire-bottes? Dans la cave, allez vous faire pendre! Merci. Bon, je sais plus où j'en étais. Vous étiez dans la cave, allez vous faire pendre. Ah oui. Mes enfants, c'est un moment bien doux pour un père que celui où il se sépare de sa fille chérie. L'espoir de ses vieux jours, le bâton de ses cheveux blancs. Cette tendre fleur vous appartient, ô mon gendre. Aimez-la, chérissez-la, donnez-la. Ben, il ne répond rien, le Savoyard. Toi, ma fille, tu vois cet arbuste? Je l'ai empoté le jour de ta naissance. Qu'il soit ton emblème, que ses rameaux toujours verts te rappellent pour toujours que tu as un père, que tu as un époux, que tu as... Non. Mais non. Va te promener, j'oublie le reste. Papa, vous êtes bête, mon oncle. J'éprouvais le besoin de t'adresser ces quelques paroles bien senties. Maintenant, allons nous coucher. Papa, ne me quittez pas. Sois paisible, mon ange. J'ai prévu, tenez-moi. J'ai stipulé 14 lits de sangle pour les grands-parents. Quant aux petits, ils coucheront dans les fiacres. Alors, dites-donc, j'ai trouvé un tire-botte. Zut! Va, ma fille. Vous gardez les secrets. mais ça ne bouge pas là-dedans. Est-ce que ce monstre-là se serait endormi pendant mon discours solennel? Personne! Elle n'y est pas! J'ai parcouru tout l'appartement! Elle n'y est pas! Bonjour, que signifie? Encore vous! Vous n'êtes pas un beau père, vous êtes un morceau de colle-forte! C'est un moment solennel, mon Jean. Laissez-moi tranquille! Je crois devoir blâmer l'anachronisme de votre température. Vous êtes tiède, mon Jean? Allez, allez vous coucher! Oui, monsieur, j'y vais. Mais demain dès l'aube, nous reprendrons cette conversation. Elle n'y est pas! J'ai tout fouillé, tout bouleversé, je n'ai rencontré sur ma route qu'une collection de chapeaux, toutes les couleurs, bleu, jaune, vert, gris, rouge, l'arc-en-ciel, et par un fétu de paille. Oh, ah, le voilà! Il a fait le tour de l'appartement! Ah, lâchez-moi! Je te tiens! Ne te défends pas! J'ai un pistolet dans chaque poche! Pas possible. Oui. Ne criez pas! Ne criez pas! Je commets un déplorable fait Paris! Ah. Rendez-moi mes pistolets! Non! Donnez-moi le chapeau! Le chapeau! Ou la vie! Ce qui m'arrive là est peut-être unique dans les fastes de l'humanité! J'ai les pieds à l'eau, j'attends ma femme, et voilà un monsieur qui vient me parler de chapeau et me viser avec mes propres pistolets! Bah c'est une tragédie, ça. Bah, vous ne savez pas, moi, mon cheval qui a mangé un chapeau dans le bois de Vincennes alors que sa propriétaire est elle, dans la forêt avec un jeune milicien. Eh bien, qu'est-ce que cela me fait, monsieur? Mais vous ne comprenez pas. Non. Ils se sont incrustés chez moi à bail de 3, 6, 9. Et pourquoi cette jeune veuve ne rentre-t-elle pas chez elle? Mais jeune veuve, plutôt ciel. Mais il y a un mari. Une canaille, un gredin. Un idiot! Et qu'il a pilré sous ses pieds comme un frêle grain de poivre! Je comprends ça! Mais nous le fourrons dedans! Le mari! Oh, mais grâce à vous! Gros farceur! Oh, hein? Gros gougou! N'est-ce pas? Que nous le fourrons dedans! Monsieur, je ne dois pas me prêter à ce. Dépêchons-nous! Voici l'échantillon! Grand Dieu! Paille de Florence! Coquelicot! C'est bien ça! C'est le sien! Et il est chez lui! Les gants de Suède étaient une craque. Voyons, combien? Il va se passer des choses atroces. Marchons, monsieur. Ça. Chez vous? Sans chapeau? Silence. Monsieur, je reviens du Gros Caillou. Personne? Silence. Grand Dieu, la bonne de la dame. Tiens, le maître de Félix. On parle dans la chambre de ma femme. Elle est rentrée. Nous allons voir. Christine. Que viens-tu faire ici, petite malheureuse? Bah, comment est-ce que je viens faire? Bah, je rentre chez mon maître, donc. Ton maître? Beau-père, tu es ton maître? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, malédiction, c'était le mari, je lui ai tout raconté. Est-ce que madame est... Oh, sacre bleu. Va-t'en, Pécor, je te coupe en tout petit morceau. Et ce chapeau que je pourchasse depuis ce matin avec ma noce en croupe, le nez sur la piste comme un chien de chasse. J'arrive, je tombe en arrêt. Ah, et c'est le chapeau mangé. Il va la massacrer. Défendons cet infortuné. Dans la chambre de ma femme! Qu'y a-t-il? À toute la noche, voilà le bouquet! Je n'y puis rien comprendre, d'où sortent ces gens-là? Pourquoi viens-je ici de surprendre tout ce monde chez moi? Je n'y peux rien comprendre. Pourquoi ces bruits, ces cris d'effroi? Tout est rompu, mon gendre. Ne comptez plus sur moi. Je n'y peux rien comprendre qu'ils ont le diable au corps, ma foi. Se fait ici souvent lorsqu'en bas je les crois. Je n'y peux rien comprendre. Cousine, d'où vient votre effroi? Je saurai vous défendre. Comptez sur moi. Je n'y peux rien comprendre. Ah, je succombe à mon effroi, qui donc pour me surprendre? Oh, j'avais mieux chez moi. Je n'y puis rien comprendre. Quel est cet étrange époux? pourquoi ose-t-il la surprendre et causer son effroi? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Chez moi! Chez vous! Oh ciel! Chez lui, pas chez toi, chez lui! Père, vous m'ennuyez! Comment? Être immoral et sans vergogne! Ouais, ben. Tu nous mènes coucher chez un inconnu. Et tu souffres que ta jeune épouse, chez un inconnu, mon gendre, tout est rompu! Oh, père, vous m'agacez! Je prie, monsieur! Monsieur, vous daignerez excuser une légère erreur. Repassons nos habits, Bobin. Oui, mon oncle. C'est ça, filons, je passe devant avec ma femme. Hein. Monsieur, la mienne n'est pas rentrée. Mais elle aura manqué l'omnibus. Elle est chez vous. Mais je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas, celle qui campe chez moi est une négresse. La vôtre est-elle négresse? Ai-je l'air d'un gomme-mouche, monsieur? Ah, tiens, j'ignorais cet oiseau. Bobin, ma manche. Voilà, mon oncle. Où demeurez-vous, monsieur? Je ne demeure pas. Oui, place... Ne lui dites pas. Oui, place Bodeguet. Vagabond. Plan. Très bien. En route, ma fille. En route, tout le monde. En route, monsieur. C'est une négresse. Le soir du mariage, se trompe de maison. C'est un très jeune gage, digne de charbon. Rage qui fait rougir mon front. Dans un affreux carnage, je vais laver l'affront. Son œil m'a fait sauvage. Madame le frisson, dans quel affreux carnage va naître ma maison. J'ai chaud. Voilà comment on attrape de mauvais rhumes. Ils font un feu d'enfer là-dedans. J'avais beau répéter à Trouillebert. Trouillebert, vous mettez trop de bûches. Ah bah oui, et je suis en moiteur. J'aurais presque envie de changer de gilet de flanelle. Mais non, il peut passer des dames. Ah bien. Mais très bien! Voilà la pluie qui recommence! Non mais c'est parfait! C'est parfait! Voilà la pluie à présent! Par ici mes enfants! Par ici! Sautez le ruisseau! Après! vraiment c'est atroce. Quelle affreuse noce. Où nous nous faisons courir quand nous devrions dormir. Quelle noce, quelle noce. Papa, et mon mari? Allons bon, nous l'avons encore égaré. Je n'en puis plus. C'était longtemps. Je n'ai plus de jambes. Heureusement, j'ai changé de souliers. Aussi, papa. Pourquoi avez-vous renvoyé les fiacres? Comment pourquoi? 375 francs, tu trouves que c'est pas assez? Je ne veux pas manger ta dot en cocher de fiacre. Mais où sommes-nous ici? Le diable m'emporte, je le savais. J'ai suivi Bobin. Du tout, mon oncle. C'est nous qui vous avons suivi. Pourquoi nous a-t-on fait lever si tôt? Est-ce qu'on va encore s'amuser? La farigondelle au guet, hein? Radat Salinaire. Il nous a dit d'aller chez lui, place Baudoyer. Nous sommes sur une place. Mais oui, mais quel Baudoyer? Voilà la question. Dites donc, vous qui êtes de Chaillot, vous devez savoir ça. Est-elle Baudoyer? Oui, oui. Joli temps pour les petits pois. Ça! Dieu me bénisse. Tiens, une sentinelle. Pardon, sentinelle, la place Baudoyer, s'il vous plaît. Passez au large! Merci. Et pas un passant. Pas même un Savoyard d'Auvergnat. À 11h03. Attendez. Nous allons savoir. Qu'est-ce que vous faites, papa? Ben, il faut nous informer. On m'a dit que les Parisiens se faisaient un plaisir d'indiquer leur chemin aux étrangers. Pardon, madame. La place Baudoyer, s'il vous plaît. Attends. Brigand, Sire. Karel. Oh, sac à ma pied. J'étais sous la gouttière. C'est pas une Parisienne, c'est une Marseillaise. Baudoyer. Place Baudoyer, mon oncle, et nous y sommes. Quelle chance! Cherchons le numéro 8! Le voilà! Entrons! Ah, sorti! Pas de portier! Et mon gueux de gendre ne m'a pas donné la clé! Papa, je n'en puis plus, je vais m'asseoir! Papa, porteur, ma fille, nous sommes en plein macadam! Il y a de la lumière dans la maison! C'est l'appartement de Fadidard! Il sera rentré avant nous! Fadidard, bonjour! Fadilard! Un peu de silence, monsieur! Trop aimable, monsieur! Je me brosserai à la maison! Fadilard! Fadilard! Votre gendre se fiche de nous! Il ne veut pas ouvrir, papa! Allons, chez le commissaire! Oui! Chez le commissaire! Cherchons la lanterne, celle de l'autorité. Mon Dieu, que de monde! Voilà son groom! Arrive ici, Mascarille! Tiens, c'est la noce de mon maître! Monsieur, avez-vous vu mon maître? As-tu vu mon gueux de gendre? Voilà plus de 2 heures que je cours après lui. Nous nous passerons de lui. Ouvre-nous la porte, mon ami Pierrot! Oh, monsieur, impossible! Ça m'est bien défendu, la dame est encore là-haut. Une dame? Une dame? Oui, monsieur, qui est chez nous, sans chapeau, depuis ce matin avec... Assez! Une maîtresse. Allons sur ta noce. Sans chapeau! Et qui se chauffe les pieds au foyer conjugal. Et nous, sa femme, nous, c'est pas le genre. Nous flattons depuis 15 heures avec des myrtes dans les bras. Turpitude. Papa, je vais me trouver mal. Papa porteur, ma fille. Tu flétrirai ta robe de 63 francs. Mes enfants, jetons une malédiction sur cet immonde polisson et retournons tous à Châtelot. Oui. Mais papa, je ne veux pas lui laisser mes bijoux, mes cadeaux de noces. Ma fille, ceci est une femme d'ordre. Rappelons à Chris. Et descends-nous la corbeille, les écrins et tous les bibelots de ma fille. Mais monsieur... Grimpe. C'est une meurtre d'envie que je greffe une de tes oreilles. Oh. Papa, vous m'avez sacrifié. Comme... Éphigénie. Qu'est-ce que tu veux? Il était rentier. Voilà ma circonstance atténuante aux yeux de tous les pères. Hein. Ouais. Il était rentier, le capon. Voilà ma noce. Mon père, je voudrais m'asseoir sur vos genoux. Nous n'entendons pas, mon gendre, tout est rompu. Chut, taisez-vous. Fait-il? Taisez-vous donc, mon grand bleu. Mais taisez-vous vous-même, sauvageon. Non, je me trompais. Il a perdu mes traces. Et puis ses souliers le gênent. Il boite comme feu vulcain. Nous avons quelques minutes à nous pour éviter cet affreux massacre. Un massacre ! Que les effectons ? Le chacal à mon adresse. Il va venir bourrer jusqu'à la gueule de poignard, de pistolet. Il faut faire échapper cette dame. Ah ! Tu en conviens, Salvanapal ! Il en convient ! Fait-il ? Voilà les bibelots. Hein ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? Jean de la noce. Que chacun de nous prenne un colis et opérons le déménagement. Je trouve ça, mon bébête. Elle ne l'est plus. Je la reporte avec armes et bagages dans mes pépinières de Charentonneau. M'enlever ma femme à minuit. Je m'y oppose. Je brave dans le projectien. Ne touchez pas au trousseau. Veux-tu la chance à William? Tu t'es rompu, mon gendre. Prenez nos gardes. Un chapeau de paille d'Italie. D'Italie? C'est mon cadeau de noces! Je t'ai fait venir de Florence! Pour 500 francs! De Florence? Donnez-moi ça. Comment est-il possible? Et moi qui, depuis ce matin, il était conforme, mais oui, conforme, et des coquelicots. Coquelicots. Vive l'Italie! Il est fou! Vive Vézinet! Oh, vive Lenoncourt! Vive ma femme! Non, vive Bobin. Vive la ligne! Passez au large! Sac à papier! Un chapeau de 500 francs, tu ne l'auras pas, Gredin. Attendez-moi là. Je la coiffe et je la flanque à la porte. Nous allons rentrer. Aliénation complète. Nullité de mariage. Bravissimo. En route, mes amis. Cherchons le fiacre. Halte là, monsieur. Que faites-vous là avec ces paquets? Caporal, nous déménageons. Clandestinement. Permettez, je... Silence! Vos papiers! Oui, monsieur, oui. 500 francs, sans les rubans. Ah! Nous voulons faire le farceur, hein? Dis tout, caporal, ce malheureux vieillard... Vos papiers! Par exemple... Monsieur, c'est papa! Vos papiers! Et puisqu'on vous dit que nous n'en avons pas, nous sommes... Ah! Venus... Pas de papiers! Au poste! Vous vous expliquerez avec l'officier. Je proteste à la face de l'Europe! Au melon marché, pas de rébellion. Et plus tard nous verrons s'il faut écouter vos raisons. Par la force de l'âme de l'homme, pour nous qu'être la fronte. Soldats, nous protestons, écoutez au moins nos raisons. Thank you. La patrouille est rentrée. J'ai bien envie d'aller prendre mon riz au lait. Venez, venez, madame. J'ai trouvé le chapeau. C'est votre salut. Votre mari, c'est tout. Il est sur mes talons. Venez. Allez. Alors coiffez-vous et partez. Ciel. Il y était. C'est mon vieux Bosco de beau-père qui l'a escamoté. Où est-il? Où est Manos? Où est ma femme? Au poste, monsieur. Tout ça, au violon. Au violon? Oui. Manos, oui. Avec le chapeau, comment fais-je? Oh, perdu. Oh. J'y vais. Je connais l'officier. Ah. Il connaît l'officier. Nous, le front. Officier, arrêtez-moi là. Ciel, mon mari. Oh. Il a pris un câble, le lâche. Je remonte chez vous. Non, arrêtez. Il vient fouiller mon domicile. Le voici. Entrez là. On appelle ça un jour de noces. Ah, vous voilà, monsieur. Vous m'avez échappé. Pour aller acheter un cigare et je cherche du feu, vous n'auriez pas du feu. Monsieur, je vous somme d'ouvrir votre domicile. Et si je la trouve, je suis armé, monsieur. Au premier, la porte à gauche, tournez le bouton, s'il vous plaît. Christy, hein? C'est drôle, j'ai les pieds enflés. Eh ben, il y en a un de biche à la porte. Je suis morte de peur. Où me cacher? Où fuir? Ah, rassurez-vous, madame, j'espère qu'il ne vous trouvera pas là-haut. Vite, voici les chapeaux. Ah, nous sommes sauvés. Chut, le mari est là. Jetez. Oh, sapristi! Le voici! Sapolote. De l'aplomb, madame. Oh. Et s'il approche, croisez, et passez au large. Oui, mais ce chapeau, il va le voir. Attention, prenez garde, vous allez vous mouiller, hein. Le diable emporte votre escalier sans quelqu'un. Mais on est à 11h. Occupez le mari. Voulez-vous me lâcher? Il ne pleut plus. Il y a des étoiles. Oui, mais c'est égal. Vous allez vous mouiller, hein. Parbleu, monsieur. Je suis un bien grand imbécile. Oui, monsieur, oui. Vous l'avez fait sauver. Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous, hein? Qu'avez-vous donc à sauter, monsieur? J'ai des crampes, ça vient de l'estomac. Parbleu, je vais interroger ce factionnaire. Monsieur! Non, c'est inutile. Oh, bravo, il coupe la corde. Non. Il ne répondra pas. Il est défendu de parler sous les armes. Voulez-vous me lâcher? Non, vous allez vous mouiller. Un factionnaire à ma place. Passez au large. Cette voix, un conscrit. Qu'est-ce que c'est ça? Viens. Non, ne faites pas attention, c'est le réverbère en tombant. Quel bruit, quel bacard d'infernal qui fait cet affreux bacchanal. C'est indécent, c'est illégal, restons procès verbal. Restons procès verbal. Encore une fois, messieurs. Je vous trouve donc enfin, monsieur. Ma femme? Voilà donc la conduite que vous menez. Elle a le chapeau. Vous coltez dans les rues à une parieure. Paille de Florence. Et des coquelicots. Me laisser rentrer seule à minuit, quand depuis ce matin, je vous attends chez ma cousine Éloi. Permettez, madame, votre cousine Éloi. Elle a le chapeau. Vous êtes sorti pour acheter des gants de Suède. On ne met pas 14 heures pour acheter des gants de Suède. Mais elle a le chapeau. Monsieur, je n'ai pas l'avantage. Non, ni moi non plus, madame. Mais vous avez le chapeau. Madame a-t-elle le chapeau? Elle a le chapeau. Elle a le chapeau. Et pourtant, monsieur, ce cheval du bois de Vincennes... Non, mais ben, il a le chapeau. Il a le chapeau. Très bien, mon genre. Tout est raccommodé. Monsieur, je vous présente mon beau-père. Donc, vous nous a conté l'anecdote. C'est beau. C'est chevaleresque. C'est français. Je te rends ma fille. Je te rends la corbeille et... je te rends mon myrte. Tire-nous des cachots. Monsieur, y aurait-il quelque indiscrétion à vous réclamer ma noce? Avec plaisir. Lâchez la noce! Cette dame... Ôtez-moi ce sourd-là! Quoi, monsieur? Elle a le chapeau! Allons, je suis dans mon tort. Elle a le chapeau. C'était divin, hein? Mais les plus doux plaisirs doivent avoir leur fin. Allons tous nous coucher. Je vote la mesure. Viens mon ange au cœur d'oranger. Et puisses-tu témoin de ma triste aventure. À mon chef marital, ne jamais adjuger, non. Un chapeau qu'un cheval ne pourrait pas manger. À mon chef marital, ne jamais adjuger. Un chapeau qu'un cheval ne pourrait pas manger. À son chef marital, ne jamais adjuger. Un chapeau qu'un cheval ne pourrait pas manger.